Après une première interview au Hellfest l'an dernier, qui est toujours disponible sur la chaîne, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Clément, le guitariste du groupe Stinky, pour la sortie de leur nouvel album Solace. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Bah, merci à toi de nous en poser, surtout. On va commencer de suite par parler de ce nouvel album de Solace. On est là pour ça. On est là pour ça. Je vais commencer déjà par te parler un peu de la musique et de ce que ça a, des nouveautés, on va dire, de Stinky. Donc, moi, ce que j'ai remarqué de suite, c'est qu'on retrouve toujours l'énergie Stinky avec le rentre-dedans, le côté très hardcore qui va être, je pense, encore une fois, génial en live. Mais plus que jamais, vous incorporez des éléments mélodiques, typés un peu metalcore, entre autres. Et la voix de Claire est poussée aussi un peu plus au niveau du chant clair, c'est plus assumé aussi. Enfin, moi, je trouve que c'est un album très riche. Comment toi, tu le décrirais? Comment vous l'avez vécu, cette création? Bah, tu le résumes bien. Hein. Déjà, ce qu'on avait pu sortir en termes de single à l'époque, ou en tout cas petit à petit, tu vois. Déjà, si je repars de Moonbow, le premier single qu'on sort avec la nouvelle formation, bah, c'était déjà un bon avant-goût en fait, parce qu'on voulait et garder le côté un peu hardcore pur entre guillemets. Ce côté-là, évidemment, on gardait le côté énergique enfin, le côté énergie de Stinky de manière générale. Essayer d'incorporer un peu plus de métal, ou en tout cas aller plus loin dans ce qui était déjà un peu métal, et aller plus loin dans ce qui était déjà un petit peu plus doux, entre guillemets, on va dire, sous ce qui est chant clair, etc. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment d'aller expérimenter. Encore plus des univers musicaux qui nous plaisent et qui nous attirent entre guillemets. Donc du coup l'idée c'était ça quoi. Il n'y avait pas de barrière en fait du coup de base dans la composition et dans ce qu'on a pu comment dire apporter tu vois au fur et à mesure des compos. Donc il n'y avait pas de barrière donc c'était trop cool. C'était hyper intéressant. Du coup, ça me permettait vraiment de tester beaucoup plus de choses et de se permettre beaucoup plus de choses. Et du coup, bah, ça se ressent sur l'album, comme tu dis. Et puis, bah, t'es pas le seul à le dire. C'est un peu ce qui ressort. C'est un peu ce qui ressort globalement. Tu vois, de tout ce qu'on a pu nous dire dernièrement. Donc, c'est cool parce que du coup, on se dit que c'est réussi finalement. Et puis bah, l'objectif, voilà, c'était aussi de ne pas refaire des copier-coller de ce qu'on avait pu faire avant. Parce qu'en fait, ça aurait pu en plaire à certains, mais en tout cas, nous, ce n'était pas du tout ce qu'on avait envie de faire. Ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Mais en plus, comme tu le disais, je le disais, je sais plus qui l'a dit. Votre line-up a quand même bougé depuis le dernier album. Ouais. Ce qui a dû aussi vous amener à sûrement travailler différemment en studio pour créer ce nouvel album. Ouais, bah c'était aussi un petit peu l'occasion, tu vois. Ça marquait un changement, donc quitte à marquer le changement, autant y aller à fond, quoi. Et puis jouer la carte du changement à 100%. Et puis, bah, qui dit là, une nouveau line-up dit aussi de nouvelles influences, parce qu'on écoute tous des trucs différents, même si on se retrouve sur plein de groupes. Il y a plein de trucs que chacun écoute un peu dans son coin. Donc, tu vois, c'était aussi un peu l'occasion de faire une grosse cuisine de tout ça pour en ressortir un peu le meilleur de nous-mêmes, finalement. Tu peux nous donner des exemples, par exemple, de tes influences à toi, autres, on va dire, Ouais, que du bah. hardcore traditionnel? Moi, je vais écouter. Il y a pas mal de métal, un peu, enfin, tu sais, de metalcore un peu moderne que je vais écouter qui marche à fond en ce moment, tu vois, parce que c'est un peu le revival, enfin le revival ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une grosse scène metalcore en ce moment. Après, je pense que dans le groupe, je suis celui qui écoute le plus de punk rock, tu vois, skate punk, punk rock, j'en écoute pas mal aussi. Enfin, tu vois, pour donner mes influences à moi qui Bien diffèrent un peu sûr. des autres, tu vois. Bon, après, même si le metalcore, on se rejoint tous pas mal dessus, tu vois. Mais ouais, s'il y a des trucs que les autres pourraient pas écouter, ben, mais moi, j'écoute énormément de rap aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que tu vois, tout ce qui est punk rock, skate punk, je suis pas sûr que les autres en écoutent énormément, énormément, quoi. Ouais, c'est toujours intéressant de savoir ce que Bah vous aimez, ce que vous... Et effectivement, on peut retrouver aussi quelques éléments plus punk tradis aussi dans votre album. Donc, enfin, ça, encore une fois, ça tout se rejoint. Donc, ça fait plaisir de voir cette boucle. c'était une ouais, c'est cool, mais c'était enfin c'était une mission risquée en tout cas, C'est sûr. mais en fait au fur et à mesure de la composition ça nous a pas semblé tu vois, quand je prends du recul comme ça, je me dis qu'effectivement, il y a beaucoup de teintes, quoi. Donc, si tu compares ça un peu à un tableau, quoi, c'est comme si tu avais beaucoup de couleurs et qu'il fallait réussir à tout lier ensemble, quoi. Et au final, je me rends compte avec du recul que c'était assez naturel, quoi, dans le processus de composition. Donc, bon, comme quoi, c'était peut-être la bonne recette, ou en tout cas la bonne manière de travailler. Ouais, avec une entente entre les membres qui fonctionne bien. C'est Je ça. sais que vous avez travaillé encore une fois en studio avec une personne que vous connaissiez. J'ai mangé son nom, je suis désolé. Ouais, on l'appelle Fabiche, hein. Tout le monde Non. l'appelle Fabiche. Ouais, c'est Fabiche du Nomade Audio. C'est lui qui avait déjà fait les enregistrements, enfin qui avait fait les prises de son mix, je crois. Enfin, prise de son sur mix, ouais, quasi, ouais, bref, sur les albums d'avant. Ouais. Mais il n'avait pas été jusqu'au bout. Et là, on s'était dit, par souci de simplicité ou en tout cas de praticité, et puis c'était aussi une envie d'essayer aussi de tout faire avec lui, et puis après il y avait le temps était un peu compté entre guillemets, mais on avait quand même on n'avait pas énormément de temps devant nous parce qu'on avait déjà repoussé le studio. Donc tous ces trucs ont fait qu'on a tout fait avec lui. Et puis comme il nous connaît bien, même moi qui n'étais pas dans le groupe avant, je connais quand même, il connaît un peu tout le monde de base déjà. Donc c'était aussi une bonne, enfin je pense que c'était une bonne décision finalement. Ouais. Ah oui, on voit que tout se tient dans la façon dont ça a été dont ça a été mixé, tout ça. Ouais. Il y a Après pas c'était d'écart aussi. et Mais lui en termes de son, moi je le connais depuis quelques temps, Fabi, je vois tout ce qu'il a pu enregistrer et faire. J'avais aucune inquiétude, hein, parce qu'il sait faire sonner, quoi. Il sait faire sonner. Gros, ça c'est cool. ouais. Oui, bah c'est sûr que ça, y a pas à dire, ça fonctionne. Ouais. dans cet album, vous continuez à aborder des thématiques qui sont très fortes, comme entre autres l'écologie ou la santé mentale au sens large. Mais je trouve que vous faites ça de façon très mature et assez intelligente. Vous n'êtes pas en train de faire la morale aux gens, vous exposez les choses et vous exposez votre point de vue. D'où ça vient ce côté très conscient et engagé et cette volonté de le partager, d'en parler, voilà, mais comme Bah, ça. c'est marrant que tu en parles. Enfin, en tout cas, c'est cool que tu le dises comme ça, parce que c'était totalement l'objectif. Bien avant. Enfin, c'était l'objectif vraiment au tout début, quand Claire a commencé à écrire les paroles. Et puis, même dans le tout début du processus de création, on va dire. Le but, c'était vraiment de recenser, voilà, effectivement, les sujets qui nous touchaient. Et puis bah forcément il y a des sujets moins marrants que d'autres, des trucs que tu as envie d'aborder et de traiter, mais on voulait pas le faire de manière moralisatrice, ça se dit? Ouais, ça passe, c'est bon. Non, mais on se comprend, quoi. On voulait pas faire la Ouais. morale, quoi. On voulait pas faire la morale parce que c'est pas constructif. Et en fait c'est pas constructif, et puis en fait, tu touches pas, je pense pas que tu touches les gens en leur mettant, comment dire, enfin, tu touches pas les gens comme ça, quoi. Nous, on voulait le traiter de manière plus, comment dire, plus intelligente. Ouais. Et du coup, c'était l'objectif. Et du coup, ce qui ressort de l'album, c'était ça aussi. C'est de là où le nom est venu, et tout ce qui en ressort, c'était voilà. Il y a des trucs pas cool qui nous arrivent ou qui peuvent arriver de manière générale. Il y a des sujets plus compliqués que d'autres à aborder. Mais comment, voilà, comment on refait sortir de tout ça le positif, et comment on explique que bah, malgré tout ça, il y a des lueurs d'espoir. Et du coup, bah, c'est cool que du coup, tu l'aies vu comme ça, parce que je me dis qu'une fois de plus, bah, ça a fonctionné, quoi, parce que c'était vraiment l'objectif de le traiter de cette manière-là. Et voilà, je ne sais plus quelle était la question, mais je crois que c'était... Enfin, si. Oui, bah enfin, je te demandais d'où venait ce côté très conscient, engagé Ouais. aussi, mais après, enfin, c'est la vie en général, tout simplement, je suppose. C'est oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis après, voilà, pour le côté, faire des chansons où les sujets sont plus légers, moi, je suis pas contre, hein, je pense qu'on est tous pas contre. Mais je pense que tu as vite fait le tour aussi, quoi. Et puis, tu y mets peut-être moins d'émotions, tu y mets peut-être moins de cœur. Ça a peut-être moins... Ça a en tout cas moins de sens à mes yeux. Et puis, Stinky a toujours eu globalement des textes assez engagés et conscients. Donc, tu vois, là-dessus, on voulait pas y déroger. Et puis, oui, ça a plus de sens, quoi. Enfin, on fait aussi de la musique parce qu'on a des choses à dire. En fait, c'est surtout ça. Hein. Oui. On a des choses à dire, des choses à revendiquer, et puis il y a des thèmes qui nous touchent plus que d'autres, donc forcément, voilà. Bah, enfin, l'esprit punk de base, quoi. Bah ouais, c'est Voilà, clair. enfin. Oui, en plus de ça. En plus de ça. Ben, en parlant de, enfin, continuer à parler de cet album, on va revenir un peu plus sur la musique. Vous vous êtes offert deux collabs très très prestigieuses avec Lou de Sick of It All et Andrew de Comeback Kid. Ouais. Comment s'est passé pour collaborer avec ben, c'est quand même deux légendes de cette scène. Vous les avez Ouais. contactés, vous étiez déjà un peu amis Ouais. Alors Lou de Sick of It All, il suit le groupe depuis longtemps. Cool. Il aime le groupe depuis longtemps. Il avait déjà fait des posts, tu vois, sur les réseaux avec des t-shirts, des vinyles et tout, parce qu'il avait acheté les t-shirts, les vinyles, etc. Enfin, il soutient le groupe depuis longtemps. Ouais. Ah, c'est super. En plus, Ouais, bah ouais. lui, il a, oui, Sikoff, c'est américain, hein, oui. Oui. Donc, Bah, le. ils ont inventé le hardcore, quoi. Donc, Ouais, bien sûr. là, tu Non, te mais dis. voilà, le côté, malgré la distance, tout ça, il vous suit quand même, enfin, c'est déjà énorme. Bah ouais. Et puis il écrivait souvent on s'écrivait souvent via Instagram, tu Ouais. vois. Ça se donnait souvent des nouvelles, tu vois. Et puis des petits mots, donc c'est cool. Donc bah lui, c'était le premier contacté, et je te dis, il a répondu. Je pense 2 heures après, en mode ouais, carrément, pas de souci, je le fais. Et puis une semaine après, on était en Angleterre, et le mec, il avait envoyé quatre prises de voix. Il avait fait tout le featuring comme on voulait, nous en tout cas, de base. Parce Ouais. que, toi, on a notre idée de base. Après, est-ce qu'il a le temps, est-ce qu'il a l'envie, est-ce qu'il veut faire autrement, tu vois. Mais le mec, il avait tout fait vraiment comme on voulait. Il était à fond. C'est trop. Et c'est touchant, ouais, parce que. Donc je te dis, ouais, effectivement, le Sick of It All, c'est des mecs qui l'ont inventé, le hardcore, Ouais, vraiment carrément, ouais, longtemps, c'est. tu vois, même plus. Et là, ouais, c'est assez indescriptible, quoi, comme sensation, parce que, alors, c'est un peu, ça peut paraître ridicule, hein, pour certains, mais forcément, moi, j'écoutais ce groupe quand j'avais 18 ans, je suis arrivé dans le hardcore un peu grâce à ça, enfin, grâce à ce groupe, donc. Ça fait plaisir. Mais du coup, pour te répondre, ouais, ça s'est fait très simplement, tu vois, un petit message Instagram, et puis voilà. Et il a été chaud direct. Et Andrew, pareil, alors, il a été un peu plus compliqué à voir parce que il tourne beaucoup et il est hyper occupé, en fait. Et en fait, même quand il tourne pas, il est hyper occupé chez lui, je pense. Hein, il a plein de trucs à faire, tu vois. Et donc, c'était un peu plus compliqué. Il répondait un peu en décalé, mais il était chaud, en fait, direct. Il nous a dit, ouais, carrément, je suis chaud, faut juste que je trouve le temps, parce qu'en fait, il n'avait jamais le temps. Faut que je trouve le temps, etc. Donc, à la base, en vrai, le feat, normalement, il est un peu plus long, parce que là, il y a 4 phrases, tu vois, mais Oui, il intervient déjà, beaucoup moins vraiment. que Lou, ouais. Dans Ouais, le. mais en fait, il dit, ouais, j'ai pas le temps et tout, j'ai fait ça, j'espère que ça ira. Et il était trop chaud, tu vois, et même après, quand on a sorti le featuring, tu vois, je me disais, ouais, peut-être que le mec, il l'a fait un peu pour faire plaisir, ou j'en sais rien, tu vois. Même si, comme Lou, tu vois, Claire, il discutait de temps en temps avec lui sur Instagram. Il s'écrivait de temps en temps des messages, etc. Donc, il nous connaît aussi. Hein, il nous connaît aussi. Ouais. Donc, c'est cool. Mais même après, tu vois, quand le single est sorti, il était là, ouais, je veux bien. Vous me dites quand le single il sort et tout, je veux repartager, ta ta ta ta ta ta. Donc ouais, il était à fond aussi, c'était cool. Ok. Bon, donc forcément, eux, ils l'ont fait bah, depuis chez eux, les enregistrements. Bah ouais. Voilà. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il soit dans le coin, mais bon. Ouais. Et vous avez encore un groupe ou un artiste comme ça avec qui vous aimeriez collaborer et pourquoi pas enregistrer directement en studio avec eux? Oh ouais, je pense qu'on en a plein. Hein. On Ouais. a plein des mecs avec qui on aimerait, en tout cas des gens avec qui on aimerait collaborer. Bon, je n'ai pas d'exemple là, mais après, forcément, Oui. tous les groupes que t'aimes, tu as envie de collaborer. Après, forcément, il y a des petites solutions de facilité, entre guillemets, dès que c'est un groupe que Ouais. t'aimes bien. Mais moi, je suis plus adepte à la limite de trouver un angle un peu différent, tu vois, de trouver un artiste et de collaborer de manière un peu plus atypique, tu vois. Ouais. Bah, c'est sûr que si tu vas nous chercher un groupe de black metal et que vous commencez à faire une fusion entre les deux, ça va faire quelque chose d'assez Ouais, spécial. c'est ça. Mais en même temps, tu vois, l'exemple, il n'est pas mauvais, hein. Il y a des. Enfin, je suis. Après, forcément, il y a des styles hyper différents, mais effectivement, des groupes avec qui on aimerait collaborer, ou en tout cas des personnes avec qui on aimerait collaborer, il y en a plein, hein, ça c'est clair. Bah après, ouais, quand tu le fais en studio, oui, ça rajoute un petit côté un peu plus sympa, il y a le côté humain, mais bon, malheureusement, ça c'est pas toujours faisable. Oui, bien sûr. Bah, ça fait déjà plus d'une semaine maintenant que l'album est sorti. Est-ce que vous avez eu des retours, ou en tout cas, enfin, autre, on va dire, que la presse spécialisée, mais des gens en général? Ouais. Parce que, et comment, enfin, comment vous avez reçu ces retours? Qu'est-ce qu'on vous en dit? Bah franchement, je peux pas te. Mieux, ce serait mentir. Ouais. Franchement, c'est. Alors au-delà de la presse, ouais, au-delà de la presse, je vais parler pour moi, même si on s'écrit beaucoup avec les gars en ce moment, en se disant, ah ouais, un tel il a dit ça, un tel il a dit ça, c'est trop cool, c'est trop cool. Donc bah déjà. Tu vois nous, on voit les stats. Alors, c'est un peu, j'aime pas trop parler en stats, mais malheureusement, aujourd'hui, on peut pas trop y passer. Et quand on voit les stats, on est plus que content. On a quadruplé nos écoutes, tu vois, rien que sur Spotify. Donc, c'est fou. Tous les titres les plus écoutés, ils sont du nouvel album. Enfin, les titres les plus écoutés en ce moment, ils sont du nouvel album. Et puis, ouais, autour de nous, on a plein de gens qui nous alors félicite ou complimente sur l'album. Moi j'ai pas mal de potes qui m'en parlent, même des surtout des potes qui sont pas là-dedans, tu vois, en tout cas qui écoutent pas forcément ce genre de musique, mais le fait que moi je joue dedans, ça les intéresse parce qu'on est potes. Et donc tu vois, ce genre de retour, ça me fait presque plus plaisir que des gens qui écoute, enfin si, ça fait toujours plaisir, tu vois, mais Ouais. c'est une saveur différente, tu vois. C'est une saveur Ouais. différente parce que du coup, il y a un petit côté accomplissement qui fait vraiment plaisir, quoi. Donc c'est trop cool, quoi. Et puis du coup, on se dit aussi que bah ouais, ça peut toucher aussi plus de gens, quoi. Les nouveaux horizons musicaux et tout ça, du coup, ça, c'est là où je me dis ouais, ça peut toucher un peu plus de gens, donc trop cool, quoi. Bien sûr. Donc ouais, pour faire un gros résumé, c'est plus que positif, les retours. Ouais. C'est trop bien. Ouais. En plus, si je dis pas de bêtises, tu me corriges si je me trompe, mais vous allez bientôt sortir un clip pour continuer à appuyer cette sortie d'album? Je sais pas prévu. Non, ou alors il est déjà sorti et j'ai raté l'annonce, Non, peut-être. tu as raté l'annonce. Ah. Il est sorti une semaine avant. On a sorti un dernier single. Il est sorti Ok. une semaine avant. Ah, je suis peut-être passé à côté alors, ouais. Peut-être. Ah, t'as encore un truc à découvrir. Voilà. Bah, du coup, oui, faut que j'aille voir ce clip. Ouais. Bah ouais, il est bien. Bah écoute, du coup, ça me fait un truc. Et du coup, que tout le monde aille voir, quoi. S'ils Bah, sont plus surtout, à. tout le monde aille voir et tout le monde aille écouter, c'est important. J'aimerais finir par une question qui va être un peu plus large et qui justement parle un peu de l'évolution de la musique et de votre scène hardcore. Parce que enfin, historiquement, c'est un style qui n'a pas trop évolué, en tout cas pendant longtemps. qui est resté très sur ses acquis, campé sur ses positions. Mais en fait, là, il y a une nouvelle génération dont vous faites partie qui ose beaucoup plus s'ouvrir, faire bouger les lignes avec justement l'incorporation de nouveaux styles, de nouvelles choses. Je pense par exemple, pour donner un peu d'exemple extrême, aux Américains de Turnstile qui mettent carrément un truc qui ressemble à de la pop à l'intérieur. Comment tu analyses, toi, ce renouveau de la scène alors que justement, on avait un peu l'impression que s'il y avait un truc qui allait jamais bouger, c'était le hardcore, quoi. Ouais, putain, je sais pas, c'est compliqué comme question. C'est Après. compliqué en même temps, je sais pas, c'est à la fois compliqué et en même temps très peut-être très simple, tu vois, quand tu c'est du fait que ce soit une musique où tu te dis bah ouais, c'est un truc qui va peut-être jamais évoluer. Mais en même temps, je pense que c'est une scène qui est tellement, tu vois, je parle globalement, c'est une scène qui rassemble énormément, je trouve. Humainement et sur plein d'autres aspects, je trouve que c'est une scène qui rassemble énormément. Et peut-être que les gens se sont dit, bah en fait c'est con parce qu'on a quelque chose qui humainement est cool. On a des moments en concert qui sont cool. On a une scène qui rassemble des concerts hyper vivants parce qu'en fait c'est quand même des concerts hyper vivants avec énormément d'interactions avec le public, tu vois. Moi, j'en parle souvent avec des gens qui écoutent de l'électro, etc. Et je leur dis, putain, mais c'est quand même. Je comprends, mais en fait, il n'y a pas énormément d'interactions, quoi. Et moi, c'est ce qui me manque dans ce genre de musique. Et moi, j'ai besoin d'interaction, j'ai besoin de voir quelque chose, de voir quelque chose qui se passe sur scène, quoi. Bref, putain, je divague trop. Non, Mais écoute. pour y revenir, c'est que comme on a quelque chose d'ultra interactif et vivant, et en même temps, une musique qui, à mon avis, ouais, aurait pu stagner et en tout cas aurait pu ne pas bouger. Peut-être que beaucoup se sont dit, bah, incorporons d'autres choses, peut-être plus grand public ou en tout cas moins stigmatisant ou en termes de musique, je veux dire, en termes musical ou moins des choses qui brident moins, tu vois, parce que forcément, le côté crié, le côté très violent, etc., ça peut en pousser certains. Donc peut-être que ça vient de là, peut-être qu'ils se sont dit comme ça on touchera plus de monde et puis au moins on fait pas de l'entre-soi et puis on fera évoluer la musique dans ce sens-là. Peut-être ça, peut-être que c'est tout simplement aussi ben, tu vois, nous Stinky ça fait 10 ans, donc en fait quand tu as fait 10 ans entre guillemets la même chose et que tu as proposé 3 albums plus ou moins dans la même lignée. T'as aussi envie de voir d'autres choses parce que voilà, et puis ben tout le monde a des styles qui évoluent en fait. Parce que Ouais. même si on est tous arrivés par là, moi j'écoute peut-être de moins en moins de hardcore, mais peut-être beaucoup plus. Enfin, en tout cas, mon champ musical c'est un peu plus étoffé et élargi. Donc je pense que ouais, ça vient de là. Ça vient de là. Attends, j'avais un autre élément de réponse, mais je l'ai perdu. Je suis Perdu. désolé, ça aurait mérité 1 heure d'émission, ma question, je sais bien. Ah, ouais, là, celle-là. Mais ouais, non, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est un tout, en fait. Je pense que c'est un tout. Mais je suis pas mal fier de ma première réponse, tu vois, sur le côté. sur le côté. Le côté fédérateur de la musique. Et en même temps, ben, si. Tu vois, s'ils étaient restés dans ce truc, enfin, si tout le monde restait dans ce truc-là, peut-être que ce serait peut-être une musique ou un mouvement qui n'aurait peut-être pas perduré, quoi, et peut-être tu vois, justement, le côté revendicateur, si on a envie qu'il perdure, etc. Alors, même si forcément, si tu commences à mélanger les styles et tout, tu vois, tu parlais de Turnstile, mais forcément, il y a un côté un peu moins. Ah Il y en a qui. Moi, j'ai moi, pris je suis le hyper max fan. du max, tu vois, pour le coup. Ouais, non, mais tu vois, mais je suis hyper fan, hein, il n'y a aucun problème, hein, j'adore. Et depuis longtemps. Mais tu vois, il y a après, tu vas avoir les mecs qui vont dire, ou les gens qui vont dire, bah, mais il n'y a plus le côté authentique, entre guillemets, tu vois, il n'y a plus ce truc-là. Moi, je suis pas trop là. Enfin, moi, je sais que je suis pas trop dans ce truc de critique, de ça devient grand public, ou ça devient comme ça, ou comme si. Je trouve ça cool, en fait, que justement, ces groupes-là aient accès. À des festivals vachement plus mainstream parce que du coup ben, ça fait découvrir aussi ça fait découvrir aussi le style et l'univers à d'autres gens en fait. Je suis plus là-dedans, personnellement. Après, je peux comprendre aussi les puristes, entre guillemets, même si je sais pas si c'est un truc de puriste, tu vois, mais je comprends un peu les deux situations. Mais tu vois, putain, je suis désolé, je parle énormément. Il n'y a pas de souci, c'est Non, intéressant. non, mais tu vois, pour l'exemple, on a parlé avec Claire justement par rapport au nouvel album. Et nous, on se disait, on sait qu'on propose quelque chose de plus grand public, entre guillemets, ou en tout cas avec des styles musicaux qui peuvent toucher un peu plus de monde. Et ben, on trouverait ça génial de programmer sur des festivals qui ne sont pas uniquement que metal ou hardcore ou punk, tu vois. Moi, on serait les premiers ravis de se retrouver sur des festivals. Alors, je dis festival ou. Oui. Alors, c'est plus facile en festival, parce que forcément, sur des concerts, c'est un peu plus complexe. Bien sûr. Sur des styles un peu plus. Qui se ressemblent un peu plus, mais sur des festivals un peu plus mainstream, avec de la pop, du rap et tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. Et en plus de ça, les festivals sont. Enfin, en tout cas, les gros festivals, tu vois, qui marchent un peu plus en ce moment-là. Je pense au Main Square, je pense à. Merde, vers chez nous, là, enfin, vers chez moi. Putain. Je vais avoir du mal. Si le VNB Fest, tu vois, ça, je pense à les Nuits de l'Herbe, enfin plein de trucs qui mélangent et de plus en plus les styles. Enfin, tu vois, alors, je vais donner l'exemple. Je sais que c'est pas un exemple qui fait forcément, enfin qui plaît pas forcément à tout le monde, mais Landmarks, quand tu vois Ah Landmarks aujourd'hui, ils font tout, ils font les vieilles charrues, ils doivent faire les franco, je crois, ou Oui, bah j'allais t'en parler parce qu'en fait, vois. l'été prochain, ils sont partout, mais en Voilà. festival non spécialisé. Voilà, Oui. exemple typique, quoi. Et franchement, c'est peut-être pas un exemple qui va faire plaisir à tout le monde, parce que je comprends que c'est un groupe qui puisse aujourd'hui. Certains peuvent avoir des avis tranchés sur le groupe aujourd'hui. Moi, je suis méga fan, donc je m'en fous, je le dis. Je le dis, et puis bah voilà, meilleur exemple, tu vois, groupe de metalcore qui aujourd'hui se retrouve sur plein de festivals grand public. Bah, franchement, trop bien, quoi. Ah oui, non, mais Moi, je vois pas comment on peut critiquer ce truc-là, tu vois, justement, d'ouverture des groupes, tu vois, à différents styles et à se retrouver sur des trucs comme ça. C'est trop bien, quoi. Enfin. Ah oui, bah, Et c'est pendant un. des années, tu vois, Gojira, on va reprendre Gojira, les JO, voilà. Pendant Ah des années, non, mais tu vois, oui. je pense que pendant des années, il y a eu ce truc de le métal en général, le punk et tout. Alors, toujours contre-culture, je pense, tu vois, mais ce truc de. On n'est pas forcément écouté, on n'est pas forcément représenté, et en plus on est loin d'être méga représenté, tu vois, parce qu'il n'y a pas Oui. de radio qui passe du métal à longueur de temps, tu vois, en France en tout cas, parce que je pense que dans d'autres pays, par contre, il y a certains pays où c'est beaucoup plus représenté, tu vois, mais enfin, tu vois, bah ouais, on est représenté à notre juste valeur, quoi, et encore, je pense qu'il y a encore du chemin, mais c'est trop cool. Bien sûr, ouais, mais c'est vrai que c'est un vrai début de plus large médiatisation, oui, je pense Ah aussi. oui, carrément, carrément. Et c'est trop Ouais. bien, c'est trop trop bien. Ça attirera plus facilement plus de monde vers ces musiques-là aussi. C'est ça, c'est ça. Et bon, alors je t'en cale une toute petite dernière pour Vas-y. l'instant. Non, mais parce que tu m'as beaucoup parlé de concerts et de festivals. Pour l'instant, vous n'avez rien d'annoncé, à moins que Ouais, j'ai non, encore là raté on un est sur. truc. Pardon, non, non, non, non, Non, rien. ce coup-ci c'est bon. Non, Non, mais parce que non, rien à attendre. Là, on était vraiment. l'interview est prête depuis quelques semaines, c'est pour ça que Ouais, je me suis un peu fait non. avoir. Non, ben là, on était vraiment sur la sortie de l'album. Ouais. On était vraiment concentré là-dessus. Donc, c'était pas plus mal comme ça. Ouais. Alors, j'aimerais te dire qu'il y a 60 dates qui arrivent, mais non, c'est pas le cas encore. Alors, je pense que ça va se. En tout cas, je l'espère que ça va se décanter pour la fin d'année, tu vois, et puis après, pour les années à venir. Mais on était vraiment concentré en mode sortie d'album et tout. Et puis là, on profite vraiment des retours et de ce truc-là, quoi. Donc, c'est cool. OK. Ouais. Bon, écoute, j'espère qu'on pourra vous voir un peu partout rapidement parce que ben Bah, enfin j'espère, pour vous j'espère. avoir déjà vu, c'est quand même enfin le live c'est quand même l'endroit où ben, vous parlez le plus, où Ouais, puis c'est ce qui vous êtes le représente plus vous quoi. Bah ouais, complètement. Et puis voilà, c'est là où toute l'énergie se retranscrit et se retransmet. Donc, ouais. Et puis, ça, forcément, la scène, c'est différent. Et puis, Bien sûr. on fait des chansons pour les jouer, hein, donc, enfin, en tout cas pour les jouer en live, donc forcément. Bah écoute, ce coup-ci, j'ai fini avec mes Ok. questions. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'était très cool. J'ai beaucoup parlé, désolé. Mais... Non, mais écoute, c'était super intéressant. Je te remercie. Ben, il n'y a pas de quoi. Et écoute, à très bientôt et en espérant bah, vous voir très vite, pas très loin. Carrément. À bientôt. Salut! Salut, salut.